dégouline dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris, ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh, la gadou, la gadou. C'est un temps abominable. Heureusement, toi, ton imperméable. Mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou. La Gadou, Petula Clark. Allez, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 15 novembre. Pas décembre, non, le temps passe assez vite comme ça. 15 novembre 1932, naissance de Petula Clark, chanteuse britannique. 1940, naissance de Sam Waterston, acteur américain connu pour son rôle du premier substitut, puis procureur Jack McCoy dans la série New York Police Judiciaire. 1945, naissance de Roger Donaldson. Pardon, excusez-moi. Réalisateur australien à qui l'on doit Guet-apens, La Mutante, Le Pic de Dante, Braquage à l'anglaise. C'est également l'année de naissance d'Annifrid Lyngstad, chanteuse suédoise du groupe ABBA. Et on s'écoute un petit extrait du titre Dancing Queen. Voilà pour l'extrait d'ABBA. On continue. 1967, naissance de François Ozon, réalisateur scénariste français à qui l'on doit Les Amants criminels, Huit femmes, Le temps qui reste, Le refuge ou encore Potiche. 1971, naissance de Jay Harrington, acteur américain vu à la télévision dans Summerland, Desperate Housewives, et depuis 2017, il interprète David Kay alias Deacon dans la série télé SWAT. 1972, naissance de Johnny Lee Miller, acteur britannique vu dans Trainspotting 1 et 2. dans le rôle de Sick Boy, Dark Shadows de Tim Burton dans le rôle de Roger Collins. Il est apparu dans la saison 5 de Dexter et il incarne Sherlock Holmes dans la série télé Elementary. 1973, naissance de Marie Fugain, actrice française, vue dans la série Navarro dans le rôle du lieutenant Carole Modiard, Plus belle la vie dans le rôle de Marie Bergman, Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis et plus récemment Olivia. 1974, naissance de Chad Kroeger, chanteur-musicien canadien du groupe Nickelback. 1976, naissance de Virginie Ledoyen, actrice française vue dans La Plage dans le rôle de Françoise, Huit femmes, La Doublure dans le rôle d'Émilie, L'Emmerdeur, Tout ce qui brille, Milf d'Axel Lafont sorti en 2018, Rémi sans famille. En décembre prochain, elle sera à l'affiche du film Notre-Dame. À la télévision, on a pu l'apercevoir dans Scène de ménage ou encore Juste un regard dans le rôle des Babofis. 1977, naissance de Sean Murray, acteur américain qui incarne Timothy McGee à la télévision depuis 2003 dans la série NCIS Enquête Spéciale. 1982, naissance de Jennifer, chanteuse et actrice française découverte dans la Star Academy première édition, vue au cinéma dans Les Francis, Faut pas lui dire, à la télévision dans Traqué ou encore plus récemment Le temps est assassin. 1983, naissance de Laura Smet, actrice française vue dans La frontière de l'aube dans le rôle de Carole, Yves Saint-Laurent dans le rôle de Loulou de la Falaise, Les Gardiennes. En décembre prochain, elle sera à l'affiche du film La Sainte Famille dans le rôle de Marie-Laure et vue à la télévision dans 10% ou encore Capitaine Marlowe. C'est également l'année de naissance de Fernando Verdasco, joueur de tennis espagnol professionnel depuis 2001, qui était numéro 7 mondial en simple en 2009, demi-finaliste à l'Open d'Australie, quart de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open et huitième de finaliste à Roland-Garros. En double, il a été huitième mondial en 2013, demi-finaliste à Roland-Garros, quart de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open et huitième de finaliste à Wimbledon. Avec l'Espagne, il a remporté 3 Coupes Davis, c'était en 2008, 2009 et 2011. Il a remporté également une Hopman Cup, c'était en 2013. 1985, naissance de Victoria Petrosillo, chanteuse française, ayant joué dans plusieurs comédies musicales, hein, Le Roi Soleil ou encore Les Trois Mousquetaires. Et elle a interprété le générique de la série Heroes, version française. Ça s'intitulait Le héros d'un autre. On écoute tout de suite un extrait. L'extrait de Victoria Petrosillo. On reste en chanson puisqu'en 1988, c'était la naissance de B.O.B., chanteur américain, qui a interprété le titre Airplanes en featuring avec Hayley Williams. Et on écoute tout de suite un extrait. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never call you back, but that's just how the story unfolds. You get enough. Voilà pour l'extrait du chanteur B.O.B. On reste en 88 avec la naissance de Morgan Parra, joueur de rugby français professionnel depuis 2006. De 2006 à 2009, il a joué au club de Bourgoin-Jallieu et depuis 2009, il joue à l'ASM Clermont. 1991, naissance de Shailene Woodley, actrice américaine vue dans The Descendant, la trilogie Divergente dans le rôle de Tris Prior, Nos étoiles contraires dans le rôle d'Azel Grace Lancaster, la série télé Newport Beach, La vie secrète d'une ado ordinaire dans le rôle d'Amy Jurgens, et entre 2017 et 2019, elle a joué dans la série Big Little Lies dans le rôle de Jane Chapman. En 1976, décédé Jean Gabin, acteur français vu entre autres dans Le Quai des Brumes, Le Jour se lève, L'Imposteur, Touchez pas au Grisby, French Cancan ou encore Le Clan des Siciliens. Et il y a 10 ans, décédé Jocelyn Quivrin, acteur français vu dans Jean de La Fontaine, Le Défi, Jacou le Croquant, 99 francs, Incognito, LOL ou encore Ensemble c'est trop. Allez, tout de suite, on s'écoute Nickelback avec leur titre Are You Him and Me. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. C'était Nickelback sur le 107FM à 8h54. Et eh bien, il est temps pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, la neige est arrivée sur les sommets vosgiens, mais pour nous, eh bien, ce sera de la pluie, en tout cas ce matin, puisque cet après-midi, on devrait, je dis bien, on devrait avoir quelques éclaircies. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés prévues pour cet après-midi. Pour samedi, on devrait avoir des éclaircies, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés samedi matin. Il va faire froid, entre 6 et 7 degrés pour samedi après-midi. Dimanche, des nuages avec quelques flocons de neige peut-être à prévoir pour dimanche soir. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés dimanche matin et entre 3 et 4 degrés pour dimanche après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football, Euro, qualification, la France qui était qualifiée pour l'Euro sans jouer hier soir après le match nul de la Turquie. Mais la victoire de la France hier 2-1 permet à nos Bleus de reprendre la première place du groupe. Les buts sont signés Varane et Olivier Giroud sur pénalty. Olivier Giroud qui se rapproche petit à petit de Michel Platini en nombre de buts. Hein. Michel Platini est à 41, Olivier Giroud depuis hier soir à 39. Dimanche, il ne faudra pas se laisser aller en Albanie hein, et bien finir par une victoire hein, pour être assuré donc de la première place. En Coupe du Monde U17, la France s'est malheureusement inclinée hier soir en demi-finale face au Brésil, 3-2. Et en match de qualification Euro Espoir, ce soir, les Bleuets jouent à Nancy contre la Géorgie. Ce week-end, c'est Coupe de France, le 7e tour. Samedi, Épinal reçoit Sochaux. Et dimanche, déplacement en Alsace pour rendre l'étape à Oberschaffolsheim. Et Thaon-les-Vosges se déplace à Erstein. Un mot de tennis avec le tournoi de Taipei où il n'y a plus de Françaises après l'élimination de S hier en 3-7 face à Jakubovic. L'ATP Finals a vu la victoire de Berrettini en 2-7 face à Dominic Thiem. Et oui, 7-6, 6-3. Et Roger Federer s'est imposé en 2-7 face à sa bête noire. Il n'avait pas battu Novak Djokovic depuis 2015. Et bien ça y est, le Suisse s'est imposé donc en 2-7, 6-4, 6-3. Et grâce à cette victoire, Roger Federer est qualifié pour les demi-finales donc de l'ATP Final, donc dans ce groupe sont qualifiés Dominic Thiem et Roger Federer. Et grâce à la victoire de Federer et l'élimination de Novak Djokovic, l'Espagnol Rafael Nadal est assuré de finir l'année à la place de numéro 1 mondial. Nadal d'ailleurs qui joue aujourd'hui face à Tsitsipas. Tsitsipas lui est déjà qualifié pour les demi-finales. Rafael Nadal compte une victoire tout comme Zverev. Donc ça va se jouer entre les deux, Zverev qui lui affrontera Medvedev. En double messieurs, demi-finale aujourd'hui, la demi-finale sera demain. Les Bleus, Herbert et Mahut affrontent la paire horaire Teco. Et à noter la retraite du tennisman Thomas Berdych. Un mot de basket en Pro B ce soir, Nancy se déplace à Saint-Quentin. En National 1, le Jet se déplace à Saint-Vallier. En hockey sur glace, en D2, Épinal samedi se déplace à Valenciennes. Et ce week-end, on vous parlait du salon d'art et exposant, du salon de la gourmandise. Et bien ce week-end, si vous êtes plutôt sportif, il y a le trail des brosses. Voilà pour l'actualité. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Jennifer et Slimane et Les choses simples. Emmène-moi, emballe-moi, le long des quais ou en forêt. les autres. Slimane, les choses simples sur RGM. Il est un peu plus de 9h. Et oui, on a débordé un petit peu ce matin. C'est pas bien grave. On fait un point sur le rendez-vous des émissions aujourd'hui. À 11h, ce sera Ours et Carottes. 14h, rediffusion de J'ai aimé, je vous le lis. 15h, Jazz Time. 21h, ce sera Mosaïque avec François. Et nous, on se retrouve lundi matin. Même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end.